La vérité a besoin de beaucoup de mensonges pour être vérité. Yeah. Boss Adam. Yo Olivier. Allez-vous pour ma boucle. Qui t'a quitté? Ok. Gigi Loboko, Nakatia Bobby Stone.